Musique horrible. César, bonsoir. Tu seras. Excusez l'absence de l'harmonica au début de cet épisode. Il a disparu dans des causes aquatiques que j'expliquerai par la suite. À ce qu'il paraît, il n'y aurait que les solitaires pour écouter cette émission. Cela est faux. Et pour le prouver, vous venez de danser avec moi sur la valse ukrainienne de Daka Blaka. Ce soir, et pour tous les soirs, c'est moi qui vous mène. Mais sans vous, je serais en train de danser seul. Et croyez-moi quand je vous dis que sans vos hanches, qui que vous soyez, je ne suis rien. Ce petit bout de rien, c'est moi, César. Et vous êtes sur Musique Horrible, l'émission qui hante les ondes de Radio Balise 99.8, tandis que ses programmateurs cherchent, impuissants, l'origine du sinistre. Tiens d'ailleurs, parlons sinistre, justement. Actuellement, votre horrible hôte en gère quelques-uns liés à des inondations qu'il a causées et qui lui ont fait donc perdre son harmonica pour cet épisode. J'aurais dû me douter que ses longs cheveux boucheraient le siphon à cette dame. Et en attendant, les murs ont lâché, le carrelage s'est craquelé et le plancher s'est ouvert au ciel vers lequel il pointe désormais. J'aimerais donc dédier cette émission aux compagnies d'assurance qui, je l'espère, resteront fidèles à elles-mêmes et tenteront le plus possible de mettre le blâme sur la personne la plus pauvre des environs du sinistre. Peut-être aurons-nous des nouvelles là-dessus plus tard. D'ici là, je propose qu'on explore ma relation avec les compagnies d'assurance via de la musique japonaise. Que voici. Get the fuck! What the fuck! Vous venez d'écouter Genderfuck de The Gero Gary Gay Gay Gay sur l'album Yellow Trash Bazooka. Et vous voulez savoir ce qui est magnifique avec cet album? C'est qu'il possède 79 pistes. Get into some. C'était Get Into Someone et voici Give a Shit. Give a shit. Je pense que celle-là est dédiée à Groupama. Et go off alors. Go off! J'hésite à vous passer l'intégralité de l'album, vu qu'il y a à peu près autant de pistes qu'il y a de compagnies d'assurance millionnaires. Mais on va faire plus simple et faire un big up à Aviva, Predica, Nataxis, Groupe Swiss Life, GMF, Generali, GMC, et celle en Algérie qu'on connaît tous, Cash, avec cette chanson à venir. Grind. Grind. When to say. Allez, c'est fini les assurances. Je vais vous sommer maintenant de monter votre son. See me a day, the old man gloom. Yeah. Vous venez d'ouïr Simia Day de Old Man Gloom, ou en français La lugubrité du vieil homme. Et laissez-moi vous raconter la drôle d'histoire de cette piste, et surtout de cet album. Un des plus beaux poissons d'avril de la décennie. Approchez. En 2014 est envoyé l'album Old Man Gloom du groupe Old Man Gloom à la presse spécialisée. Donc ils font l'envoi, la presse le reçoit et, selon le deal habituel, la presse est censée le critiquer et préparer les premières impressions pour la sortie officielle. Cet album Old Man Gloom rencontre un succès public et critique intense, avant même sa sortie, du fait des leaks illégaux opérés par la presse musicale, comme c'est hélas bien habituel. Tout le monde avait l'album avant qu'il ne sorte. Toutefois, il y a un hic. Le jour de la sortie officielle du dit album, le groupe Old Man Gloom balance sa musique. Mais il ne s'agissait pas de la même musique que ce qu'ils avaient envoyé à la presse musicale. Mieux encore, ils ne sortent pas un album, qui n'a donc rien à voir avec celui que la presse a encensé, mais deux albums. Deux albums qui portent le même nom et quasiment la même pochette. Tout le monde est complètement paumé dans la presse et dans les forums. Que se passe-t-il? Lequel est quoi? Qu'est-ce qui est bien du coup? Et 3 jours plus tard, Old Man Gloom, le groupe, annonce sur son Facebook qu'ils sont heureux. Car ils se sont bien payés la tronche d'absolument tout le monde. Et personne n'a pu pirater leur musique si ce n'est eux-mêmes. Ce qu'ils avaient donné à la presse, avant la sortie officielle, était en fait un faux album à jeter aux oubliettes. Compilé à partir des rejets mis quasiment au hasard des deux vrais albums sortis le jour de la sortie officielle. Ils ont essentiellement dit que ce qu'ont aimé les journalistes, c'était de la merde pour eux. Et vous voulez savoir le meilleur? C'est que, passé cette monumentale farce, la presse et le public étaient tous deux d'accord pour dire que les deux albums qui portaient le même nom, qui avaient piégé la presse, étaient en réalité vraiment putain d'excellents. Encore mieux que le faux album qu'ils avaient eu. Et ça, c'est la classe. Alors que ce qui va suivre... Graffenberg Spot. What do I want? C'est une autre genre de classe. Et c'était Graffenberg de The Gero Gary Gay sur Yellow Trash Bazooka. 15 minutes, 79 pistes, une centaine de plaintes, à mon avis. Auditeurs du soir, nous allons maintenant nous livrer ensemble à une aventure sonore de l'effort, typée Field Recordings et électroacoustique, avec une composition assez magnifique de l'artiste Olivia Block. Comme vous le savez, vous êtes actuellement sur Musique Horrible, qui est présentement hébergée par les inconscients de Radio Balise 99.8 et animée par moi, César, le magnifique. Et à 99.8, ils partagent avec moi un amour pour le son. Et ils aiment aussi tout ce qui se passe dans cette ville des cinq ports qu'est l'Orient, Grand Ouest. Les gars vont littéralement chez les grands-mères de Groix pour manger des tchoumpotes, c'est dire. Et donc, j'ai voulu mettre mon grain de sel avec une aventure maritime de ma part. Vous vous apprêtez donc à écouter la seconde partie de Heave To d'Olivia Block. Heave signifie l'effort considérable, le genre pouvant donner des nausées tant c'est dur. Et To signifie dans ce contexte la direction, le lieu où l'on va. Ainsi Heave To, dont la pochette est la mer, c'est l'histoire d'un effort presque contre nature pour atteindre un lieu lointain. Et je vous laisse écouter la seconde partie de cet effort dans son intégralité. Et après, quand vous serez au bout du tunnel, je vous promets une pause avec des dinosaures. On se voit bientôt de l'autre côté de cet océan que sont les ondes de votre poste d'écoute. À très bientôt. Heave 2. Rebonsoir, ici César. Vous êtes bien sur Musique Horrible, l'émission dédiée aux bad vibes dans la musique et toutes les émotions que vous refusez d'avouer, mais que vous aimez ressentir. Et je ne vous passerai pas la suite et la fin du voyage. Il se finit trop bien, et nous ne sommes pas là pour ça. Si vous êtes curieux, je vous invite à pirater tout l'album Heave 2 d'Olivia Block, là où l'on cherche les âmes. Mon pair est activé en général tous les soirs, donc venez. Je ne vous renverrai que quand j'en aurai marre de vous. Toutefois, vous aurez quand même une résolution heureuse après cette aventure. En effet, nous arrivons au moment de l'émission et vous savez ce que cela veut dire. Moi, oui. Où ? Comme promis, il est temps pour nous de faire une petite pause de ces mauvaises émotions magnifiques. Je vous ai promis la joie des dinosaures. Ma seule consolation est que nous commençons par leurs extinctions. Ce mot que je n'arriverai jamais à dire. Par leur extinction. Dead Dinosaur de Neil Sisyerga. Vous avez maintenant 3 minutes et à peu près 30 secondes où vous pouvez sourire. A long, long time ago, the Earth was ruled by dinosaurs. Then something happened. A giant meteorite struck the Earth. Goodbye, dinosaurs. It was a night like this 40 million years ago. I lit a cigarette, picked up a monkey's skull to go. The sun was spitting fire, the sky was blue and light. I felt a little tight, so I watched my hand. Thank you. on arrête de sourire. Car contrairement aux dinosaures, j'ai survécu. Reposé en paix, Pantaceratops, Pachycephalosaurus et autres Bambiraptors, vieux ennemis d'un autre temps que moi, César, ai bien connu. Entre-temps, j'ai reçu des bonnes nouvelles de mes assurances vis-à-vis du sinistre. En effet, chers auditeurs, vous allez adorer ce qui est arrivé. Approchez encore, approchez. Tendez l'oreille. Je leur ai passé vos adresses mail et j'ai dit que c'était de votre faute, étant donné que, contrairement à vous, je ne suis pas exactement ce que l'on pourrait appeler réel. Donc fuyez, car ils savent où vous habitez et viennent à tout instant. Et en prime, je vous donne votre bande-son. Il s'agit du single de Hotline Miami, Run, de I Am The Kid, You Know What I Mean. Qui va là? Et après ça, vous aurez un petit bijou doom metal. Donc, Run! We'll be right back. C'était Eclipse of Sorrow de Worship sur l'album Last Tape Before Doomsday, ou la dernière cassette avant le jugement dernier, album qui existe aussi sous le nom de Dernier CD avant le jugement dernier, et aussi Dernier vinyle avant le jugement dernier. Ce qui est sûr, c'est que ce sera le seul et dernier album avant le jugement dernier pour le chanteur multilinguiste Max Varnier, avant qu'il ne se jette du haut d'un pont en 2001. Lui qui avait depuis longtemps fait du suicide sa vocation. Depuis ce jour, sa famille tente encore de faire disparaître toute trace du groupe et a brûlé la quasi-totalité de sa production de l'époque. Il pense que c'est la musique qui est la cause de sa mort. Tant mieux si c'est le cas. Au fond, j'en ai rien à foutre. On n'a qu'une chose à soi, et à soi seul. C'est son désir. Si notre chanteur a suivi le sien, alors je ne peux être qu'heureux pour lui. Moi, César, je suis de ceux qui pensent que la vie ne vaut pas la peine que l'on se donne la peine de la quitter. Et contrairement à ce que l'on aime nous faire croire, surtout dans les sociétés occidentales, il y a bien plus de raisons de se tourner et songer à la mort que la simple perspective d'échapper à la vie. Si toutes les routes mènent à Rome, alors il est compréhensible que certains préfèrent choisir et découvrir le chemin qu'ils désirent. Sur ce, destroy your pleasure, fucked up Mad Max. Toi qui as désormais rejoint les dinosaures et tant d'autres. Avant de nous quitter, j'aimerais terminer sur une dernière petite note. J'ai commencé cette émission par une valse ensemble et quelque chose en moi me pousse à conclure, non au pied d'un mort, mais plutôt sur nous, tout autour du mort, ensemble. Donc, bonne nuit tout le monde. Si vous souhaitez des mauvais conseils, parlez-moi de vos vies et de leur contraire. Toujours à mon adresse musique.horrible@gmail.com. Contactez-moi aussi si vous avez trouvé mon harmonica, car il me manque terriblement. Donc, sans plus attendre, ce dernier très très court bout de son s'appelle « My Favorite Valentine » de Dad Fies. Et le message, pour que vous puissiez chanter derrière, est « We are all in this together, but we all hate ourselves. » Donc, allez crever sur 99.8 et à très bientôt sur Musique Horrible. We're all in this together. You are my favorite Valentine. But we all hate ourselves. You are my nickel and dime. We're all in this together. You made sense to me. But we all hate ourselves. You are my reasoning. Together, and we hate ourselves. Good night.